Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, s'endort peut-être. Quatrième hiver, mon moral pas sur la civière. Cimère à ma mère qui est là, qui me libère. Je suis libre, y'a pas de contrat, j'ai juste un contact. Si ma vie est tracée, on l'a fait au combat. Derrière la fenêtre comme mon pote Diego, avec mon verre de sky, je suis qu'un négro. Pisse avec mon frère blanc écarlate. C'est chaud, frère, faut que je me barre en thalasso. Trop de cale, vert, car le bonheur est paresseux. Tu sais, j'ai pas la haine, c'est sûr, c'est pas la peine. Si tu viens me casser les couilles, mon son coule dans mes veines. Traîne ma vie comme un vieux boulet. Si je te prends de haut, c'est que je suis assis sur un tabouret. Là le bambou là qui graille la vie comme du taboulet. J'ai plus rien à dire, plus rien à raconter. Plus rien à vivre, plus rien à affronter. Ça vient du 92 de Boulogne à Fontenay. Aussi dans mes textes, j'ai pas la rage et c'est pas grave si tu me détestes. J'ai goûté la vie et son goût alléchant. Mais tu sais, c'est comme les filles, des fois c'est bien, ouais, des fois c'est chiant. Sans papier, mes idées sont de sortie. Gardez vos lauriers, car vos fleurs sont des orties. Assis sur un banc, je dis mes quatre vérités. Je connais pas Brandon, non, car ma vie n'est pas une série B. Crois pas que c'est chiant, non, que rien me plaît. Je vise une vie au champ, donc je veille au grain pour faire du blé. Je vois la vie avec mes yeux d'enfant. Je suis loin de dire que j'ai la rage et que j'ai la haine dans le sang. Le doute nous rend ouf et nous pousse au casse-pipe. Se vendre comme c'est pouf au casting. Alors je pose par passion, car je suis pas une pique qui chante, avec le but d'être toujours aussi puissant. Je suis libre dans ma tête, je te le dis mais aussi dans mes textes. Tu sais j'ai pas le temps, j'écoute pas tes conneries, laisse-moi sur mon banc. Je suis libre dans ma tête, je te le dis mais aussi dans mes textes. Tu sais j'ai pas le temps, j'écoute pas tes conneries, laisse-moi sur mon banc. Libre dans ma tête, dans mon texte. Moi je pense une pute dans un hôtel. J'ai mal au point. Mounir, un grec comme d'habitude. Ici et là, on traîne ici et là. Les MC disent où ils me lâchent. Et je crois que tout ceci est lâche. Pas encore en galère, libre, pas en calèche. Mais encore dans la dèche. Faut que les violettes me caressent. Y'a les faux, y'a les putes et leurs inculpations. J'aime la musique, ne crois pas que ce n'est qu'une passion. C'est vrai, à l'époque, toujours à tes côtés. Je me rappelle de l'époque où les ennemis nous écoutaient. Penser au passé me file des remords. J'ai peur que mon futur me donne du fil à retordre. Le monde avec des sous, je referai ma vie.